C'est l'histoire d'une fée qui avait une lueur. Une lueur d'été tatouée sur son cœur. Anastasia, elle s'appelait la fée du fleur. Dans l'eau je l'ai pêchée sans qu'elle ne s'aime. Alors de lui, elle aussi.